Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Ce soir, nous voulons prier sur deux choses sur lesquelles l'ennemi met généralement sa main pour les détruire. Alléluia. Avant de prier, nous essayons de synthétiser la pensée pour que nous puissions prier correctement. Dans le quatrième domaine sur lequel l'ennemi met sa main, et il faut briser ce soir cette main, c'est tes relations, tes amitiés, tes relations. Et le cinquième domaine sur lequel l'ennemi met sa main, c'est le travail. Dio kazi. Alléluia. Amen. Alors, pour nous permettre de terminer, je vais commencer à prendre deux domaines par jour pour que nous ayons la même pensée. Ce sont des points importants. Je continue à prier le Seigneur qu'après cette semaine, que le ciel libère la pluie. Donc, domaine 4, les relations. Beaucoup de gens connaissent ce problème. Regarde les amis que tu avais il y a 10 ans, il y a 5 ans, il y a 20 ans. Quelle est la teneur ou la nature de ces relations aujourd'hui? Ce n'est pas un hasard. Très peu de gens conservent les relations. Très peu de gens ont bien aimé. Un jour, j'étais à Kinshasa, à l'hôtel, le pasteur Alain est venu me voir. On échangeait avec lui. Il me dit, pasteur Désiré, les nouvelles amitiés n'existent pas. Urafiki wa sasa haunako. Les nouvelles amitiés n'existent pas. Urafiki bupia, bikalake. Les amis du palais ne sont pas des vrais amis. Abana barafiki bakwe. Amen. Les amis de la gloire, burafiki bule bulekwa ndani ya utukufu, souvent ne sont pas des vrais amis. Mara mingi wana barafiki bakwe. Je dois dire des choses. Chefi niseme ku mambo. Les vrais amis. Alakini barafiki bakwe. Oh, ce sont ceux qui nous ont connus dans les culottes. Les vrais amis sont ceux-là que nous avons connus il y a des temps, des temps. Mais malheureusement, l'ennemi met la main pour détruire les amitiés. Frères et sœurs, les amis du palais, il faut se poser des questions. Oui, Mercedes, il y a Mercedes, mon copain Rafiki. Tu es à Mercedes, l'autre aussi également, mais vous faites même l'amitié. Oui, peut-être que ma mère m'a venu, moi, mon copain Rafiki. Non. Maintenant l'amitié. Les vrais amis. Rafiki Bakwe. Les vrais. Rafiki Bakwe. Ont une histoire. Mais quoi qu'on a dit si vous mangez. Vous êtes d'accord avec moi, hein? Ce sont des choses qu'on n'aime pas trop dire. Mais ce sont des choses vraies. Église. Les vraies amitiés, c'est ici. C'est quand quelqu'un monte, Il y a trop de choses autour. Le corbeau et le renard. Qu'est-ce qu'ils cherchaient à manger? Ils cherchaient à manger quoi? Ils cherchaient à manger quoi? Fromage. Le fromage. Iyo. Fromage alikupenda akule. Et tout flatteur vit. Na mudanganifu wote kunaishi na nani? Est-ce que c'est faux? Ni mambo ya bongo. Je voulais introduire pour que nous puissions ensemble être sur la même. En lisant notre thème de l'année, Dieu continue à nous parler sur des choses compliquées. Juge chapitre 7, verset 10. On commence par là. Nous devons courir. Je lis en français seulement, j'explique et puis on avance. Juge chapitre 7, verset 10. Je commence par le verset 9. L'Éternel dit à Gédéon pendant la nuit, lève-toi, descends au camp, car je l'ai livré entre tes mains. J'ai livré le camp entre tes mains. Si tu crains de descendre, descends-y avec Poura, ton serviteur. Il a livré entre les mains le camp à Gédéon. Mais il dit quand même à Gédéon, prends Poura, prends ton ami, allez ensemble. Alléluia. Amen. Je vais dire certaines choses, quatre choses. Je vais les lire parce qu'on doit gagner le temps. L'ennemi sait que les relations peuvent t'amener très loin dans la vie. C'est pourquoi il y a toute une organisation satanique pour détruire tes relations et t'empêcher d'entrer dans ta destinée. Plusieurs personnes ont raté leur destinée quelque part. Le diable s'est assis sur leur relation. Le diable sait que pour arriver à cet endroit-là, tu dois être en bon terme avec ton ami. À un moment donné, il amène le désordre. Là, vous bagarrez. L'orgueil des hommes. Kiburi ya watu. Et ton ami monte. Rafiki yako anapanda yu. La porte est fermée. Na mlango yote inafungiwa. Oh, ma prière ce soir. Basi ombi yangu ya magharibi ya leo. Toutes les relations. Mahusiano yote. Ont été détruites par le diable. Ili haribishwa na ce soir. Magharibi ya leo. Toutes les détruisons. Au nom de Jésus de Nazareth. Même ceux qui nous suivent à la télévision. Si vous avez des relations que l'ennemi a détruites, ce soir, nous brisons la main de l'ennemi. Au nom de Jésus de Nazareth. Dieu va rétablir les relations. Alléluia. Amen. Deuxième chose. On ne peut pas vivre seul sur la terre. Dieu n'a jamais créé un homme pour vivre seul sur la terre. Depuis Eden, Dieu a compris que l'homme ne peut pas vivre ni marcher seul. Wale kutembea peke yake. Si vous voyez un homme vivre seul, ukione mtu kuishi peke yake, vous voyez un homme marcher seul, mtu anatembea paka peke yake, il y a des grâces qui ne marchent jamais. Kuko manehema ingine hata ipataka. Même le milliardaire, hata mtu wa hela mingi, ont des amis. Beko na barafiki. Même le pauvre, hata wa maskini nao, doit avoir des amis. Wanapaswa kuwa na barafiki. Alléluia. Amen. L'homme ne peut pas vivre seul. Troisièmement, puisque les relations sont très importantes, on ne peut pas marcher avec n'importe qui. Pardon. On ne peut pas marcher avec n'importe qui dans la vie. Deux hommes ne peuvent faire route ensemble à Amos que si ils sont d'accord l'un l'autre. Ne marche pas avec n'importe qui. Apana kutembea na mtu yoyote. Vous savez, pour qu'on te connaisse, unajua ili ujulikane, si tu es chrétien, kama kama Kristo, si tu es intelligent, wala kama kuna akili, si tu es sage, kama kuna hekima, on regarde tes amis. Banangalia kabale beko pembeni yako, barafiki yako. C'est très simple. Ni kiepesi kwa kusikia tu. On regarde, attends, nasema mimi naombaka, même si dit que tout ça. J'ai pri. C'est dans la bouche. Il est yote tu nikusema kwa bure. On regarde ton ami. Banangalia rafiki yako. On ne fait pas de commentaires. Pala pana bia kusema tena. On dit celui-ci. Parce que huyu. On ne peut pas lui confier les responsabilités. Hata mupatia madaraka pana. Jamais. Apana. Ça signifie mana yake. En fait, l'amitié est contagieuse. Burafiki unaweza kuambukia hapo mwingine, mwambukitiza mwingine. Les bonnes amitiés se contaminent. Ma burafiki buzuri tena. Les mauvaises amitiés aussi se contaminent. Hata maburafiki mubaya tena unaweza kuambukizia hayo mwingine. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Yo wanasema burafiki mubaya unalabisha uhusiano mzuri. Donc les bonnes compagnies. Maana yake burafiki uzuri. Vous pouvez conclure. Unaweza kuleta kile inafuata. Quatrièmement. Na kitu ya ine. Quand on parle de relations. Tunapozungumzia kuhusu mahusiano. C'est dans tous les domaines de la vie. Ni katika matua yote ya maisha. Dans tous les domaines. Katika matua yote ya maisha. Exode 31, 1 à 3. Kutoka 31, 1 à 3. Comme kitabu ya Kutoka. L'Éternel dit à Moïse. Sache que j'ai choisi Betsalel, fils d'Uri et petit-fils de Hur de la tribu de Juda. J'ai rempli de l'esprit de Dieu, d'habileté, d'intelligence et de savoir-faire pour toutes sortes de travaux. C'est curieux. Il y a aujourd'hui Kabisa. Dieu a choisi. Mungu aliweza kuchagua les amis de Moïse. Barafiki yake ya Musa. Qui t'a choisi les amis? Wewe ni nani kuchakulia barafiki yako? Frères et sœurs. Ndugu na dada. En fonction de la destinée. Kadiri ya kifikio yako. Du ministère, de l'œuvre de Moïse. Ya utumishi ya huyu Musa. Dieu a placé des gens à côté. Mungu aliweka watu pembeni yake. Ne marchez pas avec n'importe qui. Pana kutembea na mtu yoyote. Ne choisissez pas n'importe qui dans la cour. Usichakue mtu yoyote ndani ya lupango. Ni les amis. Hata warafiki. Ni les mari. Hata waume. Ni les femmes. Hata wake. Dieu a choisi. Mungu alichagua. Je vais vous scandaliser. Même pas scandaliser, c'est la Bible. Mais je donne un exemple. Luc chapitre 6, verset 12 à 13. Luc 6, 12 à 13. Luc chapitre 6, verset 12 à 13. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier. Et il y passa toute la nuit à prier Dieu. Quand le jour parut, il appela ses disciples. Et il en choisit 12, auxquels il donna le nom d'apôtre. Mettez-moi Marc 3, 14. Marc 3, 14. C'est bien de retenir ce verset, Marc 3, 14. J'aime ça. Il en établit 12, là on a parlé, il a choisi les 12. Ici, on donne la raison. Il en est établi 12 pour les avoir avec lui. C'était tout. Il est manéziki à parler. Pour les avoir avec lui. Quand Jésus te choisit comme ami, c'est pour t'avoir avec lui. Mais remarquez une chose. En dehors de Gethsemane, Inje ya Gethsemane, le seul moment où Jésus a veillé dans la prière, wakati tu mumoye le Yesu alikesha katika maombi, c'est ici. Jo apa. C'est pour choisir les apôtres. Il y a chakueko wa mitume. Jésus. Yes. Le seul moment wakati tu mumoye où il a prié toute la nuit, omba usiku wote, c'est pour aller choisir les amis. Il y a chakueko wa rafiki. Les autres choses, il priait et puis il suivait les disciples sur la barque, il marchait sur l'eau, ça, rien. Mais quand il est question de choisir les amis, il va à la montagne. Il a prié toute la. Il a compris l'importance du mauvais choix dans les relations. T'amène à la catastrophe. Et ta kupeleka ku atari. Et tant que je parle, que chacun regarde ses relations. Kila moja achunguze mahusiano yake. Et l'ennemi connaissant ça. Na adui yeye anayua maneno haya. Que tu réussiras. Utaweza. En fonction de tes relations. Kadiri ya mahusiano ile konayo. L'ennemi va créer une organisation satanique. Sasa adui atafanya kitu moja ngambo ya mashetani. Pour détruire les relations. Il y aribise mahusiano. Il y a des gens. Watu wengine, qui avaient de bonnes amitiés il y a 10 ans. Barikuwa na marafiki mzuri kabisa wanapita miaka 10. Il y a 50 ans, il y a 30 ans. Miaka mingi kabisa nyuma. Vous avez grandi ensemble. Ulikomela mwote pamoja. Écoutez. Sikieni. Le problème dans les amitiés, mambo katika urafiki, est détruit par des petites choses. Ikunaribishwa tu ku jambo kidogo kabisa. Akuyeye mambo ya mingi mkubwa. Ce n'est pas un grand problème non plus. Quand on était des enfants, on se battait. Mais le lendemain, tout est national football. Nous allons encore jouer au foot ensemble avec les amis là auxquels on s'est querellé. Dans le quartier là, c'était la bagarre, bagarre sur bagarre. Convient quoi ni qui le wakati, ma quartier. Mais vous vous retrouvez le soir, match de football. Mangaribi encore vous retrouvez. Vous jouez ensemble. Et après encore ça, vous allez encore vous bagarrer. Mais qu'est-ce que le lendemain encore, vous irez encore, vous ferez encore chemin ensemble. Mais pourquoi maintenant ça n'existe plus? Kwa nini masiku za leo tena hainako? Le diable sait. Shetani anajua. Que la relation, l'amitié est une puissance. Kama uhusiano wala urafiki inakuwa ni uwezo. Frère, c'est une puissance. Tukuyangu ni uwezo. Proverbe 17:17, vous connaissez je crois ce verset. Mezari 17:17. L'amitié c'est une puissance. Et si nous comprenons cela, nous allons prier aujourd'hui. Na tukielewa hii maneno vizuri kabisa, chacun va prier pour ses relations. Kila mmoja ataombea mahusiano yake. L'ami aime en tout temps et dans le malheur il se montre un frère. Rafiki yako anapenda wakati yote, wakati ya ole anakuwa kama nduku. Ça, ce sont les vrais amis. Awanjo, haina barafiki ya kweli. Qui deviennent comme des frères. Banakuya kama wandugu. Et quand l'ennemi veut te laisser toujours dans le malheur, na wakati adui anapenda kuacha paka muhali ya ole, atanza kutosha barafiki. Il va commencer à te déplacer de la fille na un. Les relations. Anaribisha mahusiano. Frères et sœurs. Ndugu na dada. Il y a des gens aujourd'hui. Watu wengine masiku za leo. Tu ne sais pas trouver même un travail parce que toutes les relations sont détruites. Unashinda kupata kazi sababu mahusiano yako yote yako yaharibisha. Comme j'ai dit, personne ne peut vivre seul. Umaisha mtu hawezi kuishi peke yake. Quelqu'un doit parler de toi chez quelqu'un. Mtu atenda kusema juu yako kwa mtu mwingine. Hata unaomba je. Même si tu pries de n'importe comment. Frère. Ndugu yangu. Hata unaomba je. Même si tu pries de n'importe comment. Kama una na mtu. Si tu na personne. Kuku bila utapataka. Ya cette histoire que tu les aura même pas. Même si tu pries le feu descend. Naomba moto inashuka. Il y a des choses que tu n'auras jamais si tu es seul. Bingine, hautaipataka pa chini. Nous avons l'obligation de prier pour nos relations. Tunalazimishwa tuombee mahusiano yetu. Nos relations nous conduisent à notre destinée. Mahusiano yatusindikiza paka kufikia yetu. Il y a des gens aujourd'hui. Watu wengine leo. Frères et sœurs. Duku na dada. Je peux manquer la nourriture. Naweza kosewa chakula leo. Mais c'est ça que je peux quitter chez moi pendant. Kama natoka kwangu kupanda. Je vais chez lui. Mi nenda kwa mchungaji. Donne-moi manger. Unipe byakula. Même à 22 ans, vous avez entendu la parole. Ata usiku kabisa mnaoya mambo ya Biblia. Il lui a donné. Asema alimupatia ile. Parce que c'était son ami. Sababu alikuya rafiki yake. Il y a des gens qui meurent de faim parce que les relations sont détruites. Bengine wao wakufa njala sababu za kuharibisha uhusiano yote. Il y a des gens qui ne savent même pas ce qu'il faut faire parce que les relations sont détruites. Bengine barashindi ya kufa sababu mahusiano yote kuharibika. Kenge bata dire mon ami ne fait pas ça. Ngato kama rafiki hapa hapa. Ne va pas là-bas. Usiende kule. Oh frères et sœurs. Nduku na da. Mais si l'ennemi veut te détruire. Kama adui anapenda kuharibisha. Il commence à détruire des relations. Anaanza kuharibisha mahusiano yako yote. Il est seul. Anakwata peke yako. Eh vous serez trouvé seul. Unajikuta peke yako. Eh Au, s'est retrouvé seul. Alijikuta peke yake. Et il y a eu des problèmes. Alipata tatizo. L'autre s'est retrouvé seul. L'autre alijikuta peke yake. Et il y a eu des problèmes. Naye alipata matatizo. Oh frères et sœurs. Basi ndugu na dada. Un ami peut te sauver. Rafiki anaweza kukutosha mambo. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Un ami peut. Anaweza kusaidia na kutosha mambo. Aina maombi. Ce n'est pas le malapi. Je ne sais pas qui nous a enseigné. Si tu n'as pas fait ça, c'est moi. Donc, c'est-à-dire que quand on prie, en tout cas, combien de gens prient ici? Combien prions-nous? Samedi, où est-ce que tu as monté à la montagne Selpe. Allez du côté Kampumpi. Une fois, je me suis arrêté du côté Kawama. Je regarde là-dessus. Ici, à Kawama. Il y a ceux-là qui se sont même construits des maisons là-bas tout près. Si la prière donnait tout, kama maombi njoo ilikuwa inajibia kwa mambo yote, serait terrible. Parce qu'il y a ajabu kabisa. Un ami peut te sauver. Rafiki, je vais lire trois textes rapidement, on va gagner le temps. Usome tatu kwa haraka. 1 Samuel chapitre 18 verset 1 à 3. 1 Samuel 18, 1 à 3. 1 Samuel chapitre 20, verset 30 et verset 42. 20 et 30, verset 42. Et 2 42. Samuel, très bien. 1 Samuel chapitre 18, verset 1. David avait achevé de parler à Saül et dès lors, l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David. Vous voyez les vraies relations. On voit dans ma biographie qui voilà aussi un homme zoré. Et Jonathan l'aima comme son âme. Apana ma j'ai cherché un mot que je n'ai pas trouvé. Non, le vrai amour. Je ne sais pas. Urafiki wa upendo ya kweli. Verset 2. Ce même jour, Saül retint David et ne laissa pas retourner dans la maison de son père. Vous voyez, l'amitié a commencé avec non, les Urafiki enfants. Urafiki wa kubatoto. Baba wa Jonathan. Le père de Jonathan. Donc, kupitia l'amitié. Non, kupitia burafiki. Au travers leur amitié, David a ningia munyumba mufana. David est entré même dans le palais du roi. Frère, kuku munyumba mulo tengia juu burafiki. Il y a certaines palais là où tu y entreras à cause de l'amitié. Alléluia. Amen. Kama burafiki ukatara kuingia mafasi nyingine. Si on veut te refuser en certains endroits. Satan ataua burafiki bwana. Oh, Satan va détruire toutes tes amitiés. Ça signifie kuku mafasi au tengia ata. Il y a certains endroits là tu n'y entreras jamais. À cause de Jonathan. Quoi dire à Jonathan? Le papa dit non. Ça nous arrive à nous tous. Non, les enfants viennent, on a tout ça. Mon papa, je suis venu avec mon ami. Papa, quand on a fait un goulé. Ah. Il s'appelle comment? Jinakin nan. Il s'appelle Bessou. Jinakin Fulan. Viens. Kouya. Il y a des parents Koko bazazi wengine que nous avons connus parce que leurs enfants étaient amis à nous. Kwa familia sababu watoto yao walikuwa marafiki yetu. Vous n'avez jamais vu ça? Ameona kama mambo ya hivi. Je viens d'entrer sur Moussono et quelque part là. Ngia Moussono et fache moya fulani. Parce que dans cette maison, la fille est la mienne, ma fille. Sababu ile nyumba. Toto yake anakuwa ni rafiki yake. Je suis parti là-bas. Naenda kule. Eh, je ne veux pas dire. Ngia baba ya fulani huyo. Mais toi. Sasa wewe. Verset 3. C'est-à-dire Jonathan fit alliance avec David parce qu'il l'aimait comme son âme. Ça, c'est la vraie amitié. Alors, chapitre 20, maintenant le verset 30 et le verset 42. Alors, la colère de Saül s'enflamma contre Jonathan. Il lui dit, fils pervers et rebelle, ne sais-je pas que tu as pour ami le fils d'Isaïe? à ta honte et à la honte de ta mère. Ça, c'est le papa qui se fâche. Parce qu'il décide de tuer David. Le roi décide de tuer David. Mais David est ami. Sasa Daudi alikuwa rafiki yake ya Jonathan. La vraie amitié. Urafiki wa kweli. Jonathan essaie de trouver des astuces pour protéger. Anatafuta namna amkinge rafiki yake. Ils arrivent à la table. Anafika meza mbele ya chakula. Jonathan dit à David ne vient pas. Jonathan amwambia kama Daudi hapana kuelewa kuya. Moi je serai à table. Mimi nitakuya kumeza. Je vais mesurer la température de la colère de papa. Nitangalia asira ya baba yangu leo. Si je vois que papa est fâché. Kama ndio sasa kasirika kabisa. Je vais jeter des flèches au-delà. Tatupa mishale kule mbali. Et là tu comprendras que wewe utelewe kama papa là kule aendeke baba sasa kasirika. Ils arrivent à table. Anafika kumeza. Commence à manger. Bananja kula. Parce qu'il était déjà dans la maison. Alikuwa ndani ya nyumba. Et puis Saul s'est ressaisi. Saul anashtuka pale. Où est David? C'est Daudi yuko wapi? Jonathan dit non, il m'a demandé. Asema bongo. Il avait prévu de le tuer ce jour-là. Yuko tayari leo tumuue. C'est comme ça qu'il dit. Jomana anasema. Honte à toi et honte à ta mère. Aya yako na aya ya mama yako. Verset 42. Quand ils ont maintenant se séparer. Et Jonathan dit à David, va en paix. Maintenant que nous avons juré l'un et l'autre au nom de l'Éternel en disant que l'Éternel soit à jamais entre moi et toi. Jonathan a protégé David. Jonathan a alimu kinga vizuri kabisa Daudi. Et quand Jonathan est mort, 2 Samuel 1, 26. 2 Samuel 1, 26. David dit. Daudi alisema. Je suis dans la douleur à cause de toi, Jonathan, mon frère. Alléluia. Tu faisais tout mon plaisir. Ton amour pour moi était admirable. Au-dessus de l'amour des femmes. Amen. Est-ce que toi tu peux dire comme ça de ton ami? Naweza kusema hii misemo mbele ya rafiki yako. Qui peut dire comme ça de son ami? Naweza kusema mambo ya hivi kwa siku za leo kwa rafiki yake. Dans ce monde Android. Oui, dunia ya ma Android. Où les gens se trahissent. Kule bantu beko na toa mmoja na mwingine. Écoutez ce que David dit. Sikieni Daudi anasema. Il aimait Jonathan plus que ses femmes. Alimupenda Jonathan kushindia hata wake wake. Vous voyez le niveau de l'amitié. On est à toi, Yaurafiki. On ne peut pas réussir seul. Hautaweza peke yako. Bien-aimé, c'est ça le principe. Injo kanuni wapendwa. Dans la vie, Mumaisha, il faut des relations. Afadhali uwe na mahusiano. Et l'ennemi, sachant cela, na adui yeye anajua vizuri vile, il s'arrange pour détruire les relations. Afanye namna yote aribishe mahusiano. Frères et sœurs, Nduku na dadi. De la gloire. Marafiki ya utukufu. Ne sont pas de vrais amis. Mabongo kabisa. Les amis du palais. Marafiki ya kunyumba mfalme. Ne sont pas de vrais amis. Abo ni mabongo kabisa. David est monté avec les ramassis. Daudi alipanda na bale baweza kulokotesha. Les ramassis. Ndio mabaki. Ces amis là. Bale marafiki yake bale. Il les appelle les ramassis. Alikuwa na baita kama bale mabaki. Il monte. Tu pourras monter. Unaweza kupanda. Si tu gardes les bonnes relations dans la Kama unachunga mahusiano mazuri kabisa maisha yako. Nous allons prier ce soir. Oh, tomba mangaribi leo. Partout nos relations sont en déliquescence. Kote kule mahusiano ikamatika mzuri. Nos relations sont en train de bouger. Kule kote mahusiano ikamatika. Partout l'ennemi a détruit nos relations. Kule kote adui alibisha mahusiano yetu. Ce soir. Mangaribi leo. Kule rétablir. Kadari tuirudishe. Frères et sœurs, les relations sont très importantes. C'est une clé de réussite. Généralement, là où on décide, on n'est pas là. Mais parce que tu as fait du bien à quelqu'un, tu as gardé une bonne relation. Il dit non, oui, moumouachi. Non, laissez-le tranquille. Mouchimoué. Il ne faut pas le tuer. Oui, moumouachi. Laissez-le tranquille. Moumoupandiche. Mais elle est voleuse. Mais quand l'ennemi veut te détruire, wakati adui anapenda kuharibisha, il détruit tes relations. Anakuwa kuharibisha mahusiano yote. Anacha chuki mubantu bote. Il laisse la haine dans le cœur de tout un chacun. Dès qu'on dit qu'il est non, non, il se souvient que c'est lui. Non. Il faut l'écarter. Ce soir. Mangaribia leo. Notre prière. Ombi yetu. Que Dieu nous fasse grâce. Mungu atufanie kutu nehema. Toutes les mauvaises relations, toutes nos relations où l'ennemi veut détruire. Mahusiano yetu adui anapenda kuharibisha. Nous voulons les annuler au nom puissant. Tunapenda kuyaribu mujina la Yesu. Alléluia. Amen. Toutes les amitiés, même les petites. Urafiki yako yote hata ile kidogo zaidi. Oh bien-aimé. Bendwa. Aujourd'hui, Léo. Tes collaborateurs, tu as des problèmes au travail. Tes relations dans le business sont problématiques. Tes relations dans le mariage sont problématiques. Ata mundoa, mausiano, hayendeke. Tes relations dans l'église sont problématiques. Ata mukazi yote, hayendeke. Tes relations dans la famille sont problématiques. Mausiano yako ata mujamala, hayendeke. C'est l'œuvre du diable. Il y a une kazi ya shetani. Toutes les relations peuvent amener la bénédiction. Mais l'ennemi s'arrange pour détruire. Ok, yote. Je récapitule ici que l'amitié, c'est un principe divin. On ne peut pas réussir seul. On ne peut pas vivre seul. Le Seigneur mettra toujours quelqu'un à côté de toi. C'est ce qu'on appelle les relations. Ils vont t'aider à entrer dans ta destinée. Mais l'ennemi s'arrange pour détruire tes relations. Le Okokoba ne marchera quoi bien. Il y a ceux-là qui devraient être bien. Ah baba, oh oui, parce que bah, j'ai détruit ma relation, mon bail, mon quartier. On les a pas pris en mariage parce qu'ils ont détruit toutes les relations dans leur quartier. Moi, je bénis le Seigneur. Mais bwana, je suis pas né à Likasi. Si vous allez qu'à Likasi. Je connaissais même pas Likasi. Si vous allez qu'à Likasi. Je suis venu à Likasi par un coup de fil d'un ami. Nerifika katu apa ni, nerifika katu singa ya rafiki moja. Je travaillais à BCD, disons, troisième niveau à la banque. Pakintembo. Je voulais terminer, j'ai travaillé. Mais ce n'était pas, c'était hein, voilà, comme ça. Tout. Et puis, un coup de fil. Non, il y a une entreprise CMG à Chitourou. On a quoi, la campagne de CMG à Chitourou. Un coup de fil. Tout. C'est comme ça que je me suis retrouvé à Likasi. Et venez du coup, ni ko Likasi. Comme je n'avais ni famille, ni oncle, ni tante, ni muyomba, ni sangaji, yomba, aonani, je ne connaissais personne. Suku famia, na suku jua mutu. On était nombreux. Tulikuwa ba mingi. Chacun parlait. Kila mutu alikuwa anasema. Moi aussi j'ai parlé. Na mimi nilisema. Et puis me dit non, attends. Ah, mais c'est chunga. Le blanc qui était là, Ben, il va quelque part. Ule muzungu jina yake Ben alikuwa pale. Il m'appelle. You come. Wewe kuya hapa kuya. Jina yake ni nani? He desire. Okay. Prends les chaussures. Kamata bon, sasa, tu es engagé bilato, et tu commences à travailler. Mukazi, maintenant là. Kazi, paka sasa hivi. Oh. Tu n'as pas roulé. Bon, mais ça catale bien dans la caisse. Je n'avais même pas où aller dormir. J'ai commencé le travail. Je commence à faire le tour. Jungulusha mkampuni. 17h sinene. Et 17h maintenant, c'est la fin du boulot. Oui, oui, tu iras dormir où? Au Cheki. Oui, donc, alors, tu iras où le soir après le boulot? Je me suis mis là-bas, j'ai commencé à contempler les collines. Un ami me voit. Rafiki yangu mwananyona. Je te regarde, tu es pensif. Je dis na kuna huko na waza kabisa. Dis qu'est-ce que tu dis, je ne sais pas là où je suis. Mais si tu n'as pas dit je n'ai personne. Si na mutu apa. Il vient chez moi. C'est kuya kwangu. Je suis resté chez lui. Il enda kubakia kunyumba yake. Pendant 4 mois. Miezi inne. Comme on le paye, j'ai reconstruit ma garantie. Tout. J'ai commencé à vivre moi-même. Nanza na miku dilipia nyumba. Aujourd'hui, c'est un frère pour moi. Leo ulenduku, ule mutu ulenduku yangu sasa. Son enfant s'appelle aussi Joy, mon enfant s'appelle aussi Joy. Joy na wangu jina yake Joy. Nous sommes des frères. Tushakuya banduku. Alléluia. Amen. Donc, une relation qui m'a sauvé. Usiano moya ilinisaidia. Mais toi tu casses toutes tes relations. Wewe kunaribisha mahusiano yote. Mungu akubariki. Dieu te bénisse. Mungu akubariki. dit que Dieu te bénisse. Mais nous allons prier ce soir. Que Dieu nous fasse grâce. Moi je suis convaincu. Hein? Mais c'est peut-être qu'on travaille dans l'évangélisation. On fait l'appel. Qui veut recevoir Christ? Christ? Vous voyez une prostituée professionnelle. Utaona kaaba moyo wa zamani kabisa. Qui passe la première. Anapita wa kwanza. Moi je viens et j'aimerais recevoir le Jésus. Vous allez prier sur elle. Dans une seconde. Mudakika tu moja. Quelqu'un passe du païen, le plus païen. Mutu anapita pale. À l'enfant de Dieu. Donc, Dieu peut changer les relations qui ont été détruites dans de bonnes relations pour t'amener dans ta destinée. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Alléluia. Deuxième domaine, le travail. Je vais synthétiser, on va prier pour les deux choses. Parce que si je ne cours pas, on n'aura pas le temps de terminer. Le travail. On ne va pas lire Juge chapitre 6, verset 3-5. Moi, je vais expliquer seulement. Quand Israël avait semé, Madian venait monter avec Amalek, il détruisait. Il campait en face, il cassait tout. Il montait avec les troupeaux, donc le travail, bien aimé, le diable veut détruire le travail penda, des enfants. Le diable a toujours un plan pour détruire le travail. La première chose que Dieu a donnée à l'homme, ce n'est pas la prière. Aina maombi. Ce n'est pas l'adoration. Aina mabutu. Ce n'est même pas l'église. Aina ta kanisa. Ce n'est même pas la femme. Ce n'est même pas le mari. Je parle dans les deux sens. Hein? Yote mbili. La première chose que Dieu a donnée à l'homme. Genèse chapitre 2, verset 15. Genèse 2, 15. Regardez la première chose que Dieu a donnée à l'homme. Kitu ya kwanza Mungu alipatia mtu. Technique avec moi. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. La première chose que Dieu a donné à l'homme, il est mungu alipati ya mutu, c'est le travail. Dio kazi. C'est pourquoi le diable veut détruire le travail. Yo man shetani anapenda kuharibisha kazi. Proverbe 14, verset 23. Mezari 14, 23. Proverbe 14, verset 23a. C'est moi qui a kwanza. Tout travail procure quoi? Kazi yote ikunaleta nini? L'abondance. Utele. Donc quand on détruit ton travail, kama banarabisha kazi yako, on te détruit. Banayake bana. Oh bien aimé, ce soir, pendo wangu mangaribi aleo, nous n'allons pas accepter a tuta kuba que le diable blague avec notre travail. Shetani acheze na kazi yetu. Toute main noire qui bloque ton travail, ce soir, il faut le détruire au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. On ne va pas lire, c'est dans 1 Roi chapitre 21, verset 1 à 7. On avait déjà lu l'année passée. Il est comme moi. Naboth, la vigne de Naboth, vous connaissez? Il est chamba ya vigno ya Naboti. Acab se rend compte que à côté de lui il y a un monsieur qui fait bien son travail. Ah bon, il y en a comme pembeni ya kumuntu anafanya kazi yake mzuri. Et ce travail, c'est un travail de génération en génération. Ni kazi ya vizazi kwa vizazi. Bien-aimé, pendwa, s'il y a quelque chose que le diable veut détruire, kama ko kile kitu shetani anapenda kuharibisha, c'est le travail familial. Ile kazi ya ujamaa. Le travail de père. Ile kazi ya baba. Baba qu'on a tout mis à ça. Ton père a tellement travaillé. En aquatia cage. Il t'a légué un travail. Voilà, on a tout mis à. Et toi aussi, tu as beaucoup travaillé. Il lègue aussi à tes enfants. En Afrique, on a des problèmes de pérennité. Okoko, Afrika, tu as tatizo ya kuendelesha. Ala kutia ki mukazo. Apana kutia de pérennité. C'est ça? Vous me comprenez? Oui. Ok, vous avez compris. Donc inabakiria mukizazi. Kitu kinabakia mukizazi. Parce que la sorcellerie sababu ulozi uko pale. C'est rare. Ni mambo haifiki kila wakati. Leo il faut tomber ici. Aujourd'hui nous allons prier pour ce sujet. On a dit que son père avait consommé l'argent, mais ses enfants sont devenus comme des fous. Aujourd'hui, je disais, Mungu. Non, frère. Pana tu dois prier pour Una tes enfants. Kuombea watoto yako. Alléluia. Amen. Nous devons prier. Tunapaswa kuomba. Naboti. Garde le sang de son père. Akab vient, il dit, donne-moi le sang. Akab a demandé, on est pêché, chamba yako mvinyo. Je ne peux pas te vendre l'héritage de mes pères. Frère, refuse ya de vendre l'héritage de tes pères. Ya kuhuzisha uriti ya wazazi yako. Ma chamba li wazazi barikwachia. Le champ que ton père t'a légué. Le travail que ton père t'a légué. Tu as tout consommé. Na ma chamba yote, wow. Même le champ, tu as tout vendu. Le travail procure l'abondance. Hein? Mase kazi kuna leta utele. Quand on détruit ton travail, kama kazi yako bani yaribisha, on te détruit. Pale bana kuaribisha. Akab rentre à la maison. Ahabu arudia kunyumba, mwanamke yake namwambia. Pourquoi tu es triste aujourd'hui? Kwa nini leo mtu wa huzuni huzuni hivi? Jezabel. Jezabeli. La sorcière. Huyu mwanamke mlozi. Akab lui dit non. Ahabu anamwambia. Je voulais arracher. Il dit non. Nipenda, c'est toi le roi. Asema hapa si wewe ndio mfalme. Calme-toi. Tu dis à tout. Demain, moi je vais te donner ça. Qu'est-ce il est chambre, tu n'y pas ta. Comme c'est une organisation satanique. Savi, il y a une matengenezo qui m'a chétan. Bien aimé, le travail. Wapendo kazi. Pour être détruit. Inaweza kuharibishwa. Il y a une organisation dans le monde satanique. Kuku matengenezo mwa inafanika ku ngambo ya kimashetani. Elle réunit le collège, elle dit. Anakosanisha makutano na bambia. Vous allez déclarer la guerre. Weye, museme mambo ya vita. Vous allez dire que ce monsieur là. Utasema kama, huyo mutu. Le complot se passe dans la maison. Ni ile shauri ilifanika munyumba. Lui, il est dans son champ. Eko yeye mushamba yake. Il part, on le tue. Anenda kule, wanenda kumuua. Suite à une organisation démoniaque. Je prie ce soir. Toute organisation démoniaque pour détruire ton travail. Je l'annule au nom de Jésus de Nazareth. Ton travail ne sera pas détruit. Tes business ne seront pas détruits. Parce que Dieu s'est levé. Alléluia. Amen. Déclaration. Si l'on t'arrache le travail qui te donne l'argent, on t'arrache la vie. Voilà pourquoi le diable s'acharne sur le travail. Vous allez voir le domaine que j'ai choisi, il n'y a pas l'argent. Il n'y a pas l'argent. L'argent c'est une conséquence. Feza ni matoke. Travaille bien. Wewe tumika mzuri. L'argent va te suivre. Feza itakufuata baadaye. Mabuta yatokeke kumbingu. L'argent ne tombe pas du ciel. Kumbingu hakuna dollar. Au ciel n'a pas de dollar. Mbingu inaleta kazi. Le ciel donne du travail. Inaleta dollar, inaleta mafranc, inaleta ma or. Le or. Dans un moment donné, on n'a même pas besoin de dollar. Samo fulani hautakuwa na hitaji ya dola yenyewe. Pourquoi les gens cherchent l'or? Kwa nini bantu watafuta ko zahabu? La vraie valeur. Maana yake bei kweli. Ce n'est pas l'Amérique qui a créé l'or. Aina Amerika ifanye hiki. C'est Dieu qui a créé l'or. Mungu aliumba hivi. La vraie richesse. Maana yake utajiri wa kweli. Vient de Dieu. Inatoka kwa Mungu. Si l'on t'arrache le travail, akikunyanganya kazi, on t'arrache la vie bien-aimé. Maana yake ni bujima ile banakunyanganya. Si on détruit ton travail, kama banaribisha kazi yako, on détruit ta vie. Maana yake banaribisha tena maisha yako. Shetani porsema akue. Le diable pour qu'il puisse te tuer. Ana uwa kazi. D'abord, il arrache. On a pas ta tension. Détruit ton travail et tu as le tension. On a pas ta tension. Dès que tu as la tension, les enfants n'iront pas maintenant étudier. Les enfants vont chômer. Vous voyez comment le diable procède. Mais Shetani yako napanga vitu. Anapenda awe kizazi kia. Il d'abord détruit toute ta famille. Anajua vile atakayatendre. Il sait comment il va atteindre cela. Il tue ton travail. Anaribisha kazi yako. Toi-même tu tombes malade. Wewe mwenyewe unagonjwa. Tes enfants n'ont rien. Watoto yako hawana tena kitu. Ils tombent malade. Nao banagonjwa vile vile. Les gens se prostituent. Sasa bananza kufanya bukahaba. Kizazi kyote kinalabika. Toute la progéniture est gâchée. Je me pose la question. Soyez indulgent avec moi. J'ai réfléchi à haute voix. Généralement, si nous sommes honnêtes, quelqu'un qui n'a pas de travail, il sera difficile qu'il soit saint. Donc il sera difficile qu'il entre au ciel. Je vous dis, hein. Il a ira. Les gens parlez-là toujours en mal. Les autres, dès que son ami là, il travaille, il paye un bel habit là, il commence à lui dire de tout. Je l'ai dit parce que ça nous est tous arrivé. Mais il sait, mais ça va aussi sur le campus là. Quelqu'un passe dans son véhicule. Ah, bah, Joe, bah, Moïse. Ce sont des réels voleurs. Nous ne le connaissons même pas. Sur Royal, 30 juin. Toko. Au 30 juin, on ne savait même pas. On a commencé maintenant à l'insulter parce qu'il était dans sa voiture. Son père l'amène avec la voiture. On dit que là-bas, ils ne sont même pas intelligents. On les amène aussi chaque fois dans la voiture. Pardon, pardon. C'est pourquoi nous devons prier. Demanda, cher Tuombe. Dans notre église, source féconde. Faites même un petit job. Ça va t'aider pour que tu sois aussi saint. Je vous dis. Bien, bien, bien, quoi. Ça va t'aider. Itakusaidia. Le diable fait tout pour avoir. Que tu aies des problèmes au travail. Il y a des gens aujourd'hui qui ont des problèmes au travail. Nous devons prier pour ça. En tout cas, on doit prier pour ça. Il faut sécuriser son travail. J'ouvre une parenthèse. Ça, c'est une parenthèse. Le travail est sécurisé par deux choses. Spirituel, hein. D'abord, tu travailles toi-même. Je suppose qu'un vrai chrétien ne doit pas être paresseux. Un vrai chrétien ne peut pas être paresseux. Un vrai chrétien ne peut pas s'endormir, se réveiller à 10 heures. Non, là, il ne travaille même pas. Non. En tout cas, on a mon Christ. Là, tu n'es pas un vrai chrétien. Les vrais chrétiens qui s'endort, qui se réveille même à 10 heures. On a malade. Là, tu n'es pas malade. On a dans une relation qui tende. Comment ça? Je ne crois pas. Cisanieville. Le travail est sécurisé par deux choses. Kajina King. La première chose, ce sont les prémices. Il y a quoi en quoi ni ma limbuko. Bien aimé, ici. Apa? Je veux parler à l'église. La penda kusema na kanisa. On se repent. On a tubu. On corrige. Pour que Dieu vous bénisse. Le mungu tubariki. Les prémices. Malimbuko. C'est le premier salaire. Anayaki ni mushahara ya kwanza. Tu vas travailler pendant 30 ans. Utatumika kadiri ya miaka makumi tatu. Prends ton premier salaire. Kamata mushahara yake wa kwanza. Amen à Dieu. Wende mpelekee yo Mungu. Donnez-nous. Mulete batumishi. Je en tout cas cette semaine. E kadiri ya juma. Récupération. Jo tutarudisha ile tulipoteza. Amener les prémices. Mulete malimbuko. Les prémices, ce n'est pas discuté. Malimbuko hababishana kenayo. Dans une année, il y a 12 mois. Si tu travailles pendant 20 ans, mwaka tu feras. Miezi, kuminambili. Mais le premier salaire. Sasa mshahara yako ile ya kwanza. Si tu n'as pas fait ça. Kama kufanya ka hivi. Prends ton salaire quand on te paiera, je ne sais pas quand. Beba mshahara kwa pataweza kulipa. Moi, je connais quelqu'un. Mina yua mtu mmoja. Premier salaire avec mon magasin. Son premier salaire dans le magasin. En l'été. Il a amené ça au pasteur. Depuis lors. Tangia pale. J'ai vu la différence. Naona achanisho. Prémisse haina dim. Prémisse malimbuko haina chekumi. Prémisse c'est le premier salaire. Anayake malimbuko inakuwa ni ile mshahara yako wa kwanza. On te paye. Kama bana kulipa. Amen à l'homme de Dieu. Mulete mtu ya Mungu. Il prie. Anaomba, il prononce des paroles. Anasema kuna misemo. La dîme, ça, ça tchekumi, c'est le dixième ni moya ya kumi, à payer chaque mois. Ya kuleta kila mwezi. Mais les prémices, on paye au début. Malimbuko banileta kumwanzo. Le premier salaire. Ile mshahara yako wa kwanza. Dieu, désormais. Nasema tangia sasa. Kazi yangu yoyi. Ileta kazi yangu. Bien aimé. Watu wengi wapendwa. Je vais vous dire quelque chose. Napenda mwambie kwa mambo fulani. L'argent est mystique. Ifeza. Ah, ni yatabu kabisa. L'argent fezaï est mystique. Ni ya diabo kabisa. Donc l'argent manake feza a ses principes iko na makanuni yake spirituel uhali ya kiroho. Si tu ne le connais pas, kama wewe huijue, il ne viendra pas chez toi. Haitakuja kwako. Beaucoup de gens prient, watu wengi wako naomba, mais ne sont pas riches. Lakini abatajirike. L'argent ne reste pas chez eux. Feza ikalake kwao. L'argent a des principes. L'argent est mystique. Feza iko ya ajabu. Iko na makanuni yake. Alléluia. Amen. J'essaie de comprendre moi aussi. Napima kuelewa kuna mimi. Un, ya kwanza. L'argent n'aime pas le bruit. Feza ipendake makelele. Amen. Munyumba ko mwishiko makelele. Dans ta maison qui n'y est plus de dispute. Makelele na fukisha kama kuta munyumba. De dispute. Fait chasser l'argent. L'argent écoute. Fais ça. C'est comme les pigeons. L'argent écoute. Fais ça. S'il y a beaucoup de bruit comme ça, l'argent s'en va. L'argent est mystique. Fais ce qu'il y a diable. Deuxièmement, que tu appelles, pour que l'argent reste chez toi, il fait ça. L'argent doit se rassurer. Feza na pas sur quoi qui kishwa. Que tu as la dimension de le gérer. Ya kama uko mukimo ya kuichunga vizuri. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Kuku bantu mingi leo Mungu achoze kukupatia $50,000. Ya, certaines personnes aussi parmi nous, Dieu ne peut pas leur donner $50,000. Tu te chambule tu pika na mapi. Là tu vas nous tabasser, tu vas même nous faire des choses. Non, non, je vous dis, c'est des principes. Il m'a dit, il m'a canon et tout. Pas que vous avez 50 millions. On est quoi comme ça? On est dans la bonne heure. Où est mon yéwanin? Tu vas le dire. Wende? Allez, va-t'en. Pourquoi? Quoi nini? 50 millions. Foucault, il s'est couillé. Vous allez comprendre d'ailleurs. Tu es là, comme il vit. Ta démarche. Manek, mandamano yako. Ta vie. Maisha yako change en fonction du montant d'argent que tu as. Iko na badilika kufuatana na bwingi ya fedha ile uko nayo. Mwisho kuna mtu eko na $100,000 mumfuko yako pansoko na lamkia vantu bote. Vous avez vu quelqu'un qui a $100,000 dans sa poche? Salut tout le monde. Ata ujue. Même si tu ne sais pas. Yé moi ana shika siko mu insécurité. Lui-même il ne sait pas qu'il est dans l'insécurité. C'est comme ça que ba mwisho professionnel bana ibaka bana. Raison pour laquelle le voleur détecte facilement. Alors quelqu'un qui passe comme ça par après, il essaie un peu s'il y a quelque chose dans sa poche. Remarquez très bien, vous achetez votre premier véhicule. On a tout, on a usa gari yako ya kwanza. Ça je dis c'est entre nous. Hein. Et ni katikati yetu tunasungumza. Tu veux la fenêtre, d'or. Tu vérifies si le véhicule est en fonction de la fenêtre. On a engagé comme un gars, il coupe à peu près. Est-ce que Minaland? C'est faux et c'est vrai. Bon, à tout bise, Mike, mais on ne parle pas de ça, mais c'est comme ça. C'est la réalité. Joville. C'est la réalité, c'est vrai. J'ai vécu avec un neveu maltais sur le pita. Niliche na. Un frère. Un frère. Un jour, on lui a payé de nouvelles chaussures. On lui a payé une paire de chaussures nouvelles. J'entre dans la chambre comme ça, sur le lit comme ça, il s'habille d'abord. Là, maintenant, il se chausse aussi. Non, j'ai commencé à. Ça m'étonnait vraiment. Il descend un peu, il essaie un peu de marcher. Frère, la pauvreté. Ah, vous masquinez de gueyango. Ni mambo. Ah, masquinez ni mambo. Est-ce que c'est faux? Ni mambo ya bongo. Ana lambula china pilato. Ah, il lèche un peu. Ana goutte dans son carton. Par après, il remet encore dans son carton. C'est pas possible, tout le déçoit. Ah, nous avons vu des choses. On a souffert. La souffrance n'est pas bonne. C'est pas bien, effectivement. Aina mzuri hapa na mateso. Mais tu kufa, tu kulikupa de typhoid. Mais na pa eu de typhoid. Somme là. Oh, le Seigneur répond. Donc le travail est protégé par deux choses. Kazi, na les prémices. Frères et sœurs, cette semaine, je prie, je ne bouge même pas. Je bouge, mais je reviens. Mais, en tout cas, tu n'as jamais fait ça. Fais ça pour ton bien. Les prémices. Malimbuko. Bien, mais à quoi le salaire d'un mois par rapport au salaire de 30 ans, 50 ans que tu vas faire le travail? Et puis plus tu traites le travail, plus ton salaire change, n'est-ce pas? Il y a des, on appelle ça annuité. Hein? Donc chaque année, le salaire monte de 3%. De 3%. Chaque année, ton salaire monte. Donc ton salaire change. Même si tu n'as pas de grade, le salaire change. Et puis la dîme, c'est par la foi. On me paye, mon premier salaire, c'était $120. C'était mon premier salaire. J'ai fait déjà des programmes pour me marier. Léo, quand on a pris $120 à ma peine de corps. Aujourd'hui, maintenant, les gens ont $120, ils ne se marient même pas. $120. Je commence à économiser. $12. $12 Ça monte à 500. Tu donnes ta dîme de 50. Ça donne à 100. À 1000, tu donnes ta dîme de 100. Ça monte à 5 000, tu as dit, mais combien? 5 000, on est en gapi. Déjà, Roland a fait ça. Ça, Roland a fait ça, moulin. Roland a fait ça, à Iote. Ça monte à 50 000. On est dans $50,000. C'est comme une $5,000. Mon père pasteur. C'est un patio, mon chunga di Iote. Bon. Trump donne la dîme de combien? Trump a l'état qu'à Tchekomia qui n'est. Ça, j'ai compris une chose. Il est plus ça monte, Zaidi, plus Dieu éprouve ton cœur. C'est là qu'on voit si tu es fidèle. Mais celui qui est fidèle dans peu de choses sera fidèle dans beaucoup de choses. Alors, on va atterrir pour prier. Ah, ok, ça je l'ai déjà dit. On ne peut pas devenir riche si l'on n'a pas la dimension spirituelle pour supporter l'argent. L'argent demande une dimension spirituelle. Ça amène des secousses, je vous dis, mes frères. Je vous le dis. Mais Mungu atusaidi. Que Dieu nous aide vraiment. Dieu a amorti les massecousses. Pour qu'on puisse amortir toutes ces secousses. Parfois, je suis condamné. Parfois, il ne faut pas condamner les autres. Ça amène des secousses, frère. Et qu'on allait à matatizo. Hein? Banaweka, 1 million par mes. La mesa n'atteint qu'en fait. 1 million là-bas. Même la table bouge même. La table bouge. La mesa n'atteint. Français, n'aïcha moukino. Ah, français, il mambo ça. Bon. Non. Bonjour, good morning. No. You can take you all. Bonjour, on a semaine. Il y a une semaine. Pourquoi ma coûte n'est pas un problème? Parce que l'argent crée beaucoup de difficultés. Il n'est pas un problème. Ça amène beaucoup de problèmes. Alors il faut une dimension spirituelle. C'est comme ça que l'argent est mystique. Donc comment on a semaine que fait ça? Il y a déjà. Il ne faut pas dire que non, le pasteur désire dire non. L'argent est mystique. Il y a déjà. Mystique vraiment. Ça n'aime pas le bruit. L'argent n'aime pas les gens qui ne le connaissent pas. Vous savez ça? On a eu un vilain. Je reprends. L'argent n'aime pas les gens qui ne le connaissent pas. Sinon, tu vas mal l'utiliser. L'argent aime les gens qui le connaissent. Dis à ton voisin, est-ce qu'on a Dieu Makuta? Moi, le pembe, est-ce que tu connais l'argent? Il faut Dieu Makuta. Tu dois connaître l'argent. L'argent n'aime pas les gens qui ne le connaissent pas. Alléluia. Amen. Alors, nous allons prier. Tout à l'heure, bien aimé, on ne va pas lire qu'on a déjà lu. Ce qu'a laissé le Gelek, la sauterelle, l'asile, c'est dans le champ, c'est dans le travail. Il y avait toute cette composition démoniaque pour détruire. Il y a beaucoup de gens. L'ennemi veut détruire leur travail. Alléluia. Amen. Nous nous tenons debout, on s'arrête pas ici. Le reste, nous allons écrire. Hein? Nous allons compléter vraiment pour écrire. Sinon, on va prier. On se tient debout. Merci la chorale. Prenez le micro, prenez le micro, prenez le micro. On se tient debout, nous voulons prier. Nous commençons par les relations. Frère, tu es ici, tu es à la télévision ou sur les réseaux sociaux. Examine il y a 10 ans. 5 ans. Comment sont tes relations? L'ennemi veut te détruire. Pour t'empêcher d'entrer dans ta destinée, il détruit tes relations. Il y a des grâces. Les relations parfois sont comme DHL. DHL. Ça va t'amener des choses. Mais pourquoi ça n'arrive pas chez toi, l'ennemi les détruit déjà. On nous voulons prier ce soir. Pour nos relations. Ça va plus loin. Les relations avec les enfants. Les relations dans le mariage. Les relations dans les églises. Les relations dans les affaires. Oh bien-aimé. Nous voulons prier ce soir. Napenda kuomba tu mangaribia leo. Kuku mafere ingine. Ya certaines affaires. Bako yifana poko kona barafiki. Pour que tu fasses cela, il faut que tu aies des amis. Ata kufumuria nje ya mushini. Il va t'ouvrir. Ya ku Dubai. Ya mu Tanzanie. De Tanzanie. Ya mu Turquie. Na Turquie. Na Turquie, hein? Même en Turquie. Ya mu Italie, quelqu'un me dit maintenant. Même en Italie. Amsa tukona na mu Italie. Quelqu'un m'a dit que présentement nous allons du côté Italie. Au Bénin. Je pense que on est déjà. Vous êtes parti comment? Il y a un ami qui m'a soufflé que là-bas il y a de bonnes choses. Frères et sœurs, Dukunadad. C'est deux choses très importantes. Ça, à l'église parfois, voilà. Mais retournons, cette semaine elle est exceptionnelle. Lève ta main. Dis avec moi. Bwana Yesu. Bwana Yesu. Mangaribia leo. Mina vunja. Mikono yote. Ya balozi. Ya shetani. Ilianza kuharibisha. Ma relation yangu. Marafiki yangu. Mina angusha. Mikono yote. Katika jina la Yesu. Komanza prier. Katika jina la Yesu. Oh, prie pour des relations. Ce soir, je prie pour mes relations au travail, dans les business, dans ma maison, dans ma vie. Toujours prier. Jusqu'à ce que tu m'exaucent. Oh, prie. Prie très fort. Toujours prier. Jusqu'à ce que tu m'exaucent. Je veux prier. Prie pour des relations. Avec les sommes et les soins, partout on peut citer mon nom. Il a barriqué ma relation, il a barriqué. Magari, mi allez, mi lavo, mi fungute, Lève ta main. Mwambie Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Donne-moi de bonnes relations. Donne-moi de bonnes relations. Crie encore très fort. Donne encore bonnes relations. Donne-moi de bonnes relations. Donne-moi de bonnes relations. Encore très fort. Donne-moi de bonnes relations. Méga fort. Donne-moi de bonnes relations. Giga fort. Donne-moi de bonnes relations. Élève ta voix, commence à prier. Oh, alléluia. Commence à prier. Qu'aujourd'hui Dieu te donne de bonnes relations. David a une bonne relation. Il est entré dans le palais du roi. Donne-moi de bonnes relations. Donne-moi de bonnes relations. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Donne-moi de bonnes relations. Dans la cour du roi. Donne-moi de bonnes relations. Jusqu'à ce que tu me donnes. Je veux prier. Tu pries bien ce Dieu soir. Dieu te bénisse abondamment. Tu pries bien ce soir. Le ciel est ouvert, bien-aimé. Benguni wazi kwako. Lève ta main. Prie avec moi. Alléluia. C'est ma Bwana Yesu. Bwana Yesu. Mangaribi ya leo. Mangaribi ya leo. Mina menace. Mina menace. Ile yote. Ile yote. Mina menace kazi yangu. Kuna menace kazi yangu. Kuna menace ma business yangu. Kuna menace ma business yangu. Kuna menace kazi ya basasi yangu. Kuna menace kazi ya basasi yangu. Mina imenace. Mina imenace. Na kuyangusha. Na kuyangusha. Onode. Onode Jesus. Onode. Onode Jesus. Commence à prier maintenant. Commence à menacer au nom de Jésus. Tout ce qui menace mon travail, tout ce qui menace mes business, ce soir, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je prie, je prie. Dieu te bénisse. Nous sommes en prière. Comme Malombi. Demain c'est vendredi. Qu'est-ce que c'est? Si tu as le temps, tu viens prier à midi. On court un peu parce que j'étais obligé de donner les deux points. Demain, donne encore les deux points. Je vais parler de temps demain aussi. Mais on va passer à la table. Une mesa. Cette table. Mais quand Jésus est mort. Wakati Yesu alifariki. La Bible dit. Bien asema, le voile du temple s'est ouvert. Pazia ya ikalu, iliweza kupasuka. Pas de bas en haut. Aina kutoka chini kupanda yulu. De haut en bas. Kutoka yulu kusuka chini. Kulikuwa mtu mmoja kule yulu ni Mungu anayepasuka. Comme s'il y avait quelqu'un là-bas qui dessinait le voile. Anafungula pour que bantu baone muujiza. Il a ouvert pour que les gens voient les miracles. Alors la table d'aujourd'hui. Imeza ya leo. Mungu afungule. Que Dieu ouvre. Uone muujiza mukazi yako. Que tu vois les miracles dans ton travail. Mungu akupatie kazi muujiza. Que Dieu te donne un travail Mungu miracle. Protège kazi yako. Que Dieu protège ton boulot. Na ma relation yako. Et tes relations aussi. David avait Jonathan. David avait Jonathan. Anamuingisha mubufalme. Il a fait entrer dans la royauté. Mungu akupatie ma relation. Que Dieu te donne aussi des relations. Il t'akuingisha mubufalme. Ils vont te faire entrer dans de grandes choses. Fashion de ngiza. Partout il y a des ténèbres là. Que Dieu fasse tomber ça. Voilà la table de ce soir. Et que tu prends la table. Tu entres en prière. On va continuer cette chanson. Je bénis la table, Seigneur, au nom de Jésus. Nous avons dit, nous prierons chaque jour. Et nous mangerons la table. Parce que cette semaine pour nous. Et tout ce que tu es en train de dire, Dieu, que ça trouve l'accomplissement. Au nom de Jésus. Je bénis cette table. Le corps et le sang de Jésus. Quand il a soufflé pour mourir, le voile a été déchiré. Le lieu très saint a été ouvert. Ce soir, ouvre le lieu très saint dans les vies des gens, dans leur travail. Hallelujah. Pas de mal. Certains moments là, on fait les vœux en tout cas à la même folie. Même si tu sens dans ton corps, tu peux faire quelque chose de grand écrit sur un papier de pause. Perdre un travail. Pour la vie. L'autre. Et faire un grand sacrifice pour pour que Mungu mwingena mon alliance. Pour que vous entrez avec Dieu dans l'alliance. Psaume 55. Faire de vœux par des sacrifices. J'aimerais que tu le fasses pour ton travail. Napenda uifanye kazi yako. Et pour tes relations. Na juu ya mahusiano yako. Ma relation mingi ya mzuri. Ya de bonnes relations. Sont déjà brisées. Que Dieu nous aide beaucoup. Parce que ça nous introduit. Gratuindisha. Dans des endroits extraordinaires. Ma foi, je m'en ai déjà kabisa. C'est une autre chose. Parfois, tu as déjà oublié. Tu as déjà oublié il y a longtemps. Oh, je prie. Je sens donc que je prie que tu reçois un coup de fil qui va te rendre heureux. Pateko shinga moya itakupatia furaha. Amen. Il y a coup de fil et coup de fil. Kuna kwa kama shingo utapokea na shingo nyingine ya kuachana. Alors parle à ton vœu. Sema sasa na kiapo yako. Pendant quelques minutes. Dis ce que tu veux que Dieu fasse. Sema le Mungu anapenda kufanyie. Et donne le sacrifice. Na leta tena sadaka yako. Prions le Seigneur. Oui, tu déposes dans le panier et tu continues à prier pour ça. Oh, merci Jésus. Dieu dit, je menacerai celui qui dévore. Menace ceux qui dévorent. Menace ceux qui menacent notre travail. Ceux qui dévorent. Au nom de Jésus. Il est ma sème. Et que ce parole il fit puisse arriver à bon port. Mouchina la Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? En tout cas, je bénis Dieu, je bénis toute l'église. Nous continuons à prier. Demain, c'est vendredi. Nous allons parler sur deux choses aussi sur lesquelles l'ennemi met sa main dans nos vies pour tourmenter nos vies. Demain, on va parler du temps. Et quand Jésus était né, Hérode aussi s'est levé. Déjà, on nous a dit ici mercredi le temps où Gédéon mettait le froment, Madian est venu. Kati, alors qu'on a vu que froment Gédéon est coupé béni, Madian a de quoi couchambolier. Tout le monde a fait beaucoup fanici à moi ou à Kati. Il y a certaines choses que Dieu aimerait faire en ces temps. Mais Satan il n'a fait que la mouka. Le diable aime aussi s'élever aussi pour l'en empêcher. La mouche est biote. On verra ça demain. Et on a quelque chose. Et puis on va parler aussi de la localisation. Tout à ce matin, la foi si il est ya kuweza kuku patia. Il faut être bien positionné. Au lieu qu'il faut. À l'heure qu'il faut. Pour être béni. Il est obarikiwe. Vous savez, Jacob et son frère. Esaü était le plus fort. Le plus vaillant, mais Jacob était le mieux positionné. Il a tout emporté. Et nous allons prier que Dieu nous aide. Demain c'est vendredi, c'est le jour de prière. Nous allons prier pour ça. Pour que samedi nous puissions prier pour les trois ça qui vont rester. Après dimanche, on donne la bonne nouvelle. Seigneur, je te dis merci pour ta présence ce soir. Bénis tes serviteurs. Bénis cette église dans la dimension où tu nous amènes. Que ta grâce soit sur nous. Accompagne chacun de nous, nous prions au nom de Jésus-Christ. Amen.